2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Oh, oh. Boum Bomo, musique française et francophone curieuse. Jonas, tu as l'air d'être en pleine forme. Ah oui, comme tous les mercredis, Vincent. Tu es rayonnant derrière la vitre. Oh, ville flatteur. Avec ces petits studios de prunes parfaitement éclairés, c'est l'hiver, c'est magnifique. Et t'as vu comme... les petites lumières, t'as vu, c'est les petites lumières de Noël. Et franchement, c'est trop cool. Hein. Les studios de prunes, ça devrait être comme ça toute l'année. Mais bon, après, quand il fait jour, forcément, c'est moins pertinent d'éclairer exactement, le studio. Exactement, c'est pour ça qu'on a une émission le soir, parce qu'on sait qu'on peut avoir une ambiance tamisée. Exactement, et comme on aime les ambiances anisées. Ouais, non. On aime aussi flatter notre ego. Du coup, on s'invite dans notre propre émission ce soir. C'est Aimé Jockey, invité. Ça, à mon avis, va encore passer une heure à parler de sa chaîne YouTube. Non, mais tu dis ça parce que j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Personne n'a réagi. Je me suis auto-trollé sur les... Désolé, je pourrais recréer un compte sur Facebook juste pour liker ton, franchement, tu pourrais... Si tu voilà, les gens doivent savoir que je suis le community manager de la page Boum Bomo et j'ai fait un post cet après-midi pour dire que j'allais... Que j'étais le propre Twitter. Invité. Bref, et non, le compte Boum Bomo, il est à l'abandon. Bref, yes. On a eu un DJ qui nous a abandonné à la dernière seconde. Arrive, du coup, des fois, c'est un peu chiant parce que je me dis mince, fait chier, mon petit planning, il est tout foutu beaucoup en l'air. De gros mots. En même temps, c'est pas grave, déjà parce qu'on le rebookera, ce DJ, et en plus de ça, parce que du coup, je passe au platine, ça me fait bien plaisir. Allez. J'étais déjà passé au platine le mois dernier pour la première émission de notre 8e saison, j'avais passé des disques que j'avais chopés récemment, et un mois plus tard, devine quoi, je refais la même avec des disques que j'ai chopés entre-temps. Allez. Parce qu'évidemment, j'y vais pas de main morte, comme d'habitude, sur les brocantes, la vie de grenier, les trucs comme ça. Et un des derniers trucs que j'ai chopé, et ça va être le morceau d'introduction de cette émission, c'est un disque de folk trad. Oh, eh ben, bah alors, c'est surprenant. Quelle surprise, je suis pas du tout là-dedans en ce moment. Un disque de folk trad du label de Vendée, de Poitou-Charentes, UPCP, Geste Paysanne, Union pour la Culture en Poitou-Charentes. C'est une exclusivité internationale. Je vais le mettre demain matin sur ma chaîne YouTube. C'est un espèce de spoken word, tu vas voir, c'est un dialogue assez incroyable entre un jeune paysan hyper enthousiaste et l'administration face à lui qui lui cause beaucoup de tracas. Le spectacle dont est issu ce disque s'appelle Les Paysans et le morceau s'appelle Modernisation. Aimé Jockey derrière les platines, on reprendra les paroles tout à l'heure. On écoute Boum Bomo jusqu'à 23h. Allez. Bonjour monsieur le technicien conseiller agricole. Je suis un jeune agriculteur très dynamique, je voudrais m'installer. Bonjour, bonjour mon jeune ami, vous installez. C'est bien, moderniser, c'est mieux. Un jeune agriculteur pour le progrès. Un. Envoyez, c'est pesé, vous avez de la terre? Non, j'en ai pas encore, mais je vais en trouver. Alors, à tout à l'heure, bonne continuité. Une priorité. Une. Bonjour madame la SAFER. Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Je suis un jeune agriculteur très dynamique. Vous n'auriez pas un peu de terre à me louer? Ici on ne loue pas mon jeune ami, on ne fait qu'acheter. Ah bon? C'est embêtant, mais s'il faut acheter. Et un crédit super. Un. Bonjour monsieur crédit. Je suis un jeune agriculteur. Ça va, mon jeune ami. Il vous faudrait combien? 35 millions pour commencer, pour acheter la ferme. 35 millions? Ça fait beaucoup. On vous en prête 20 si vous avez du répondant. En bonifié super ou en moyen bonifié? Le bonifié super, c'est réservé aux initiés. Tentez un PD0 et allez voir le DDA. Un imprimé PD0 pour un rapport de revenus. Voici votre imprimé. Vous avez le BEPA? Non. J'ai pas de BEPA, mais j'ai de la pratique. Il faut 200 heures avec un BAA. Un technicien conseil pour stage information. Voilà, jeune homme. Là, vous avez la FAFSEA. Mais ce n'est pas pour vous. C'est pour les salariés. La FNSEA, c'est votre syndicat. Mais vous êtes un peu jeune. La Dasea, ça vous convient ou alors les Cibam? Si c'est pour la gestion, c'est la porte à côté. Comptabilité et techniques agricoles, c'est tout au fond, à gauche. Vous avez droit à 200 heures, sans défraiement, bien entendu. Oh, c'est bien beau tout ça, mais je dois labourer. Les engrais Coolman et les machines Mac Kermic. Bonjour messieurs les industries à mon aval. Bonjour, bonjour monsieur Dédé. Il me faudrait un bon tracteur de charrue, un griffon et un rotovator. Ensuite je voudrais la sulfateuse, des engrais, une remorque, du plastique et un tonneau de fioul. Et aratala vous, voilà voilà monsieur Dédé, on commençait à s'ennuyer. Et un client plumé. Bonjour monsieur Crédit, je suis un jeune agriculteur. J'ai tout enregistré, ça vous fait 8 millions en investissement. Et je déduis les primes auxquelles vous avez droit. Et pour les annuités de mon crédit foncier, ça vous fait 2 millions franco de port et d'emballage. Et sans compter les intérêts, 2 millions 5 par an. Pour les questions pratiques, c'est la porte à côté. Une culture par saison, monsieur du temps de grand-papa, spécialisée, modernisée, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Mais les carottes et les navets, laissez donc ça aux maraîchers. Faites des arbres fruitiers et plantez de la vigne. La qualité, c'est ça qui paye. 20% de camée et la moitié de cabernet. Un zeste de sauvignon et du pinot pour la couleur. Et un peu de breton. Bravo. Bravo, mon jeune ami. Allez-y, au travail et... faites-nous confiance. Voilà, voilà. On était ce qu'on appelle un paysan modernisé ou paysan assisté, si le cher vous en dit. Venez vous installer. Au crédit agricole, on rigole et on rigole, et on est prêt à vous aider. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha et cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha et cha-cha-cha. Une lumière diaphane se penche sur le lac où dessinent des arabesques d'or. Les digitales défroissent leur carmin fané pour que tout s'harmonise en ce décor baroque. Je me laisse porter par mes élans sauvages vers les ramures éteintes des châteaux d'Écosse. J'y vais voir l'homme aux cheveux verts, celui qui sait semer ses grands draps d'herbe où vont s'allonger les chevaux fatigués. Des femmes conduisent à sa suite un bal étrange où chaque mouvement se fige dans l'espace. Pourtant le vent, au-dessus de Culloden, d'où monte le chant blessé d'une cornemuse pour que grandisse le sortilège né au-delà du Levant. Dans les cours des manoirs s'alanguissent des flaques où des enfants transparents décalquent leur empreinte sous l'étreinte glacée des averses. La pluie s'enivre du parfum des Highlands, tandis qu'au loin les sternes s'en vont visiter des navires. J'aime à m'asseoir dans le silence pour ce long voyage dans ce monde nourri l'absence de rêve. S'asseoir dans le silence, ne plus grandir, redevenir un enfant. Un enfant, redevenir un enfant. phase B, recommencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je suis le beat et je récite 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fin de phase B, recommencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. va? Comment ça va? Toujours sur Prune à l'écoute de Boom Momo, et ce soir c'est un mix d'Aimé Jockey qui nous passe des morceaux divers et variés autour de sa chaîne YouTube, et une exclusivité qui arrive demain. Et le premier morceau, c'était il y a longtemps. Il est juste à côté de moi. On n'est plus dans la chaîne YouTube. Dans la chaîne YouTube, on est dans une église. Et j'ai beaucoup aimé le morceau avec la cassette. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Boom Momo. Et il est 22h27. Et j'ai loupé. On est bon, Vincent. Je suis à toi. je te désire. Prends-moi, je suis à toi. se eu deveria sentir falta de você. Se je devais manquer de toi, mon vague à l'âme, mon poisson chat, ma tendre espionne, ma passion, toi l'encolure de mes chansons. Et garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi. Des profondeurs de l'océan, comme un matador, un tyran, guidé par l'odeur des chevaux, je viens me glisser sous ta peau. De la douceur de ton amour. tree. Can you hear me? Let's go. Let's go. Yeah. Boum Bomo. C'était moi-même aimé jockey au platine. Ah ouais, t'as carrément fadé, brah, tu l'as enlevé quoi. Tu sais que j'aime pas les bêtes, tu sais que j'aime pas les morceaux en instru derrière. J'essaie de te respecter un petit peu, même si j'en mets de temps en temps. Mais tu sais que je mûris, je vieillis, je prends de l'expérience, j'écoute ce qu'on me dit. Bien, et ouais. Finalement, je me dis, bon, les bêtes, c'est pas pire que ça. Et bah finalement, j'ai pas repris la parole, Jonas, j'étais trop chaud. J'étais trop chaud, j'ai fait mon petit mix, on est parti sur du folk trad, le truc UPCP là dont on parlait au tout début, puis après on a écouté du Marie-Paul, on est parti dans des trucs. Voilà, oh là, la variété, j'écoute une cassette de La Vedette, tu l'as kiffé celui-là. Tu m'écoutes plus. Si, je t'écoute, mais mon micro était éteint. Aïe, ok. Kiffé. Mortel, c'est le dernier upload sur ma chaîne YouTube. Derrière, j'ai joué. Ouais, grave, bien sûr, en téléchargement légal, évidemment. Et derrière, on a écouté du Zazubika et on a écouté du Enigma, du Louise Virgin, du Jean-Louis Murat, si je devais manquer de toi. Jean-Louis Murat. C'était toute la tracklist, de toute façon, sera comme d'habitude dès demain sur le site de Prune. Demain, je me lève, je mets le podcast en ligne comme tous les jeudis. C'est quasiment le mercredi soir, c'est mon soir préféré de la semaine. Et le jeudi matin, c'est mon matin préféré de la semaine. Je crois que Boum Momo, c'est l'émission la plus sérieuse sur la mise en ligne du podcast. On est chaud. C'est, c'est soit le soir même, soit le lendemain matin. Je ne veux pas nous jeter des fleurs, te jeter des fleurs parce que c'est toi qui t'en occupes. Mais à chaque fois que je me connecte le jeudi pour réécouter l'émission et télécharger pour les archives. C'est déjà là. Le mix est déjà là. C'est déjà là, on est chaud. Jonas, je me félicite d'être là après 8 ans. Et toi aussi, je te félicite d'être là. Et tu sais quoi ? Assidu. C'est justement le nom du dernier morceau. Je me félicite d'être là parce que je voulais te faire un petit big up. On est encore là 8 ans après. 216e émission, je crois, ce soir. On fait un petit coucou à Pierre-Luc et ses copains qui nous ont big upé de la fenêtre de Prune. Exactement. Toi, tu peux les voir. Tu es incroyable. Exactement. Je suis en train de danser en mixant au platine et je prends des SMS de la part des copains qui me voient. Voilà, les voisins de Prune nous voient parfois. Et ben, c'était trop cool cette émission. Tu veux faire une casse d'aide ? À toutes les auditrices une qui nous écoutent. Une casse d'aide. Si tu gères tes petits, vas-y. À toutes les auditrices qui nous écoute en ce moment, du coup j'ai reçu des textos moi aussi. T'es tellement bigu avec ta voix Jonas, là j'en peux plus. 216 émissions, voilà, c'est la rupture ce soir. La semaine prochaine, on reçoit Dimitri Selectif du collectif Grits de Granville, ça fait plusieurs fois qu'on le reçoit parce qu'à chaque fois c'est mortel et que je joue avec lui vendredi d'après à 44 Granville. Tours, ça va être trop cool. Et derrière on recevra FG également du collectif Grits, bref les Normands prennent le contrôle. C'était Boum Bomo dans... c'était Aimé Joquet dans Boum Bomo, pardon, j'ai lâcher quelques petites exclus qui seront sur ma chaîne YouTube très bientôt. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. J'arrête d'en parler. 22h58, on écoute le début du morceau. Angel Fred, je nous félicite d'être là, Jonas. Bisous. Ciao les petits chats. Ciao les petits loups. Je m'abuse et prête tension, je m'abuse.